Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Sacco et Vanzetti. On this day, April 9th, in the year of our Lord 1927, it is considered and ordered by the court that you, Nicola Sacco, and you, Bartolomeo Vanzetti, suffer the punishment of death. Extrait du film Sacco et Vanzetti, réalisé en 1971 par Giuliano Montaldo. C'est le 9 avril 1927 que Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti sont condamnés à mort. Les deux anarchistes seront exécutés le 23 avril 1927. L'injustice dont ils sont victimes les transformera en représentants des sans-voix et leur histoire sera très vite transposée au cinéma, en littérature et en chansons. So Vanzetti said to me, Louis, I'm guilty of this as your father is. Vanzetti m'a dit, Luigi, je ne suis pas plus coupable de ces meurtres que ton père. On s'est embrassé et j'ai poursuivi la mission que je m'étais donnée de les défendre. When I went to Nicola, quand je suis allé voir Nicola, il m'a dit, Luigi, je ne suis pas plus coupable de ce crime que mon petit Dante. Et Dante, à ce moment-là, était encore un enfant. And Dante, at that time, was a little child. Maintenant, Nicolas et Bart, vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort, mais par elle, vous vaincrez. Georges Moustaki interprétant en français la chanson de John Bass sur l'histoire de Sacco et Vanzetti. On entendait sur cette chanson un extrait d'un documentaire radio réalisé en 1998 par Curtis Fox et dans lequel documentaire Luigi Quintiliano nous racontait sa rencontre en prison avec Sacco et Vanzetti. Pour nous raconter cette histoire de Sacco et Vanzetti et ce qui est devenu cette histoire, mon invité Pierre Lheureux, qui est professeur d'histoire au Collège Dawson. Pierre Lheureux, bonjour. Bonjour. Cette histoire-là de Sacco et Vanzetti, bon, ça a donné de grandes chansons. Ça a été repris beaucoup, beaucoup au cinéma, en littérature. Bref, ça a marqué profondément nos esprits. Au moment des événements, mais aussi un peu plus tard, au 20e siècle, autour des années 70, pourquoi, qu'est-ce qui fait que cette histoire-là nous fascine, nous intéresse autant, Pierre Lheureux? Le procès Sacco et Vanzetti incarne les grandes tensions sociales et politiques qu'a vécu le 20e siècle. C'est un procès où se joue le conflit entre une Amérique grandissante et triomphante et le reste du monde. C'est également un procès où se joue le conflit entre la classe ouvrière, les exclus du monde et un establishment légal et politique, économique, incarné dans le capitalisme triomphant de l'Amérique. Ouais. Il y a quelque chose de manichéen qui relève de la figure du mal contre la figure du bien qui s'oppose. Le récit est très fort. Ouais. Le récit est très fort. Alors, on a d'un côté deux immigrants italiens arrivés aux États-Unis 10 ans plus tôt, pauvres et aussi radicaux. Ce sont des anarchistes. Et d'un autre côté, on a un système judiciaire américain encrassé et également biaisé, ouais, qui reflète l'establishment culturel et politique sociale des États-Unis. Sacco et Vanzetti, c'est effectivement le parcours de deux immigrants avec déjà une première contradiction importante. Il y en a beaucoup d'immigrants à l'époque, donc ils font partie de cette vague d'immigration vers les États-Unis. Mais il y a aussi, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants, énormément de xénophobie. Ça, c'est la toile de fond. Oui, alors, les États-Unis ont été le lieu d'un phénomène sans précédent. Entre 1890 et 1920, 1921, c'est près de 20 millions d'immigrants qui s'établissent aux États-Unis. À un moment donné, il y a à peu près 15 % de la population américaine qui est née à l'étranger. C'est remarquable. Ouais. Et naturellement, cette immigration-là, contrairement aux autres vagues d'immigration qui ont balayé l'Amérique au 19e siècle, au 18e siècle, les immigrants viennent de l'Europe de l'Est, ils viennent de l'Europe du Sud, viennent du Mexique, viennent de l'Asie. Donc, cette immigration-là vient provoquer une réaction xénophobe, ce qu'on appelle en anglais le nativisme, et qui va, au bout du compte, amené l'Amérique à fermer ses portes à ces immigrants qu'elle ne veut pas. Avec des villes, Chicago, New York, où il y a vraiment des proportions, les taux d'immigration sont énormes. Là. Chicago, c'est 70 % de la ville qui est née à l'étranger. À New York, c'est 50 % Ouais. Ce sont des villes cosmopolites. Où se rassemblent les immigrants lorsqu'ils mettent pied sur le continent. Donc ça, c'est le contexte. Sacco et Vanzetti sont deux de ces très, très nombreux immigrants qui arrivent en Amérique avec ces tensions très fortes créées, entre autres, par la xénophobie. Et ça va donner naissance à un mouvement auquel ils vont appartenir. Il y a comme une résistance qui se forme dans ces milieux ouvriers, ces milieux immigrants, l'anarchisme au début du siècle. Ça ressemble à quoi, ce mouvement anarchiste américain du début du siècle? On écoute d'abord l'historien Pierre Milza en parler à l'émission Au fil du temps en 1993. Quand ils partent, on ne peut pas dire qu'ils sont fortement politisés. C'est au contact de la société américaine, du rejet des migrants par la société américaine, des difficultés qu'ils rencontrent dans le travail, puis aussi du mouvement social qui se développe aux États-Unis, donc du mimétisme ambiant, que l'un et l'autre vont s'engager aux environs de 1910-1911, et plus encore pendant la guerre, dans des organisations de gauche qui les conduit d'ailleurs à se rencontrer en pleine guerre, au moment où l'un et l'autre sont obligés de quitter les États-Unis parce qu'ils sont poursuivis, et à s'orienter vers un anarchisme activiste. Anarchisme activiste qui avait déjà été très fort dans les États-Unis à la fin du 19e siècle, qui avait eu un peu tendance à s'atténuer à la veille de la guerre, qui reprend très fortement au lendemain du premier conflit mondial. Alors, comment se définit, comment décrire cet anarchisme activiste du début du 20e siècle aux États-Unis, Pierre Lheureux? Il est effectivement actif depuis, en fait, les années 1890, où l'Amérique est secouée par des crises ouvrières. Et puis, cet anarchisme-là a des formes violentes dès le 19e siècle. Il ne faut pas oublier, William McKinley, le président américain, est assassiné par un anarchiste en 1900. Et cet assassinat fait suite à d'autres assassinats politiques. Alexandre II de Russie, le tsar, est assassiné. C'est Sadi Carnot, le président de la France, qui est assassiné. Umberto, le roi d'Italie, est assassiné. Et à la suite de la Première Guerre mondiale, dans un contexte de tensions sociales et de difficultés économiques, où l'Amérique a du mal à s'ajuster à une économie normale, l'anarchisme revient. Et en fait, le fait de petits groupuscules, alors on les appelle les galianistes, aux États-Unis, c'est un Italien, un leader anarchiste, qui vient assembler ces Italiens, surtout, dans des cercles anarchistes violents. Ouais. En 1919 et 1920, il y a une série d'attentats, d'actes violents, qui ont lieu, entre autres, en septembre 1920, à Wall Street, une bombe éclate, tuant 38 personnes et blessant une centaine de personnes. Il y a le secrétaire du système de justice américain et également la cible d'attentat. C'est le terrorisme de l'époque, au fond. Je vous écoute, puis c'est un peu ça. Exactement. Et dans les années 20, l'anarchisme est associé à la violence, à ce courant radical, dangereux, ouvrier. Revenons-en à Sacco et Vanzetti. Ils vont être arrêtés, ils vont être accusés du meurtre de deux hommes. Ça commence quand, cette affaire-là, l'affaire Sacco et Vanzetti? Bon, rapidement, en 1920, et il y a un braquage qui a lieu au Massachusetts, à Bridgewater, près de Boston, et puis au cours duquel il y a deux assassinats. Et un second braquage a lieu au mois d'avril 1920, au cours duquel, encore une fois, un homme est tué. Rapidement, les autorités policières se concentrent sur les anarchistes italiens. Parce que, bon, ce sont les coupables idéaux, parce que c'est eux qui ont été responsables d'autres activités terroristes. Et souvent, ces activités terroristes-là suivaient des actes de braquage. Donc, on cible ces anarchistes italiens à Boston, on arrête Sacco et Vanzetti et on les accuse du crime. Ils vont subir un procès. En fait, il y aura même deux procès. Il y a deux braquages, vous nous le disiez. Comment ça va se dérouler, ces procès? Bon, Vanzetti est accusé dans l'affaire de Bridgewater. Il est reconnu coupable sur des preuves assez ténues. Il y a des témoignages qui ne sont pas nécessairement concordants et on va le reconnaître coupable du crime. Dans un second procès pour le braquage de Braintree qui a lieu en avril 1920, cette fois-ci, c'est Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti qui sont accusés du crime. Le procès est présidé par le juge Tayers, qui est un homme de petite stature, qui est reconnu pour être un homme assez xénophobe, un ultra très à droite. Conservateur. Oui, c'est un conservateur. Et c'est lui qui va présider au procès et à tout le processus d'appel qui suivra les procès. Et donc, le procès est presque joué d'avant. Il y a le contexte, encore une fois, qui joue beaucoup. Ce mouvement anarchiste du début du siècle aux États-Unis, c'est... on est en 1920. La révolution russe a été faite en 1917. Il y a aux États-Unis ce qu'on appelle la peur rouge, le Red Scare. Ça joue et on voit cette peur rouge tout au cours du procès de Sacco et Vanzetti. Elle vient conditionner un peu le jugement du juge dans le procès. La grande peur rouge survient en 1919-1920 à la suite de la révolution bolchevique qui provoque une guerre civile à laquelle participent pas les États-Unis. On l'oublie souvent. Et à la suite également des actes terroristes commis en 1919 et 1920. Ça mène à des rafles à travers l'Amérique. Plusieurs leaders syndicaux de gauche sont emprisonnés et sont expulsés des États-Unis. Et là, très rapidement, l'amalgame est fait. Alors, c'est très simple. On amalgame immigrants et radicaux de gauche, et entre autres anarchistes. Et donc, le procès, ce sera ça. Ce sera un procès où, au fond, on tourne les coins ronds, on décide que ce sont les coupables et l'affaire est expédiée. En gros, c'est ça. Dès le départ, on sent que le juge Thayers a une opinion défavorable des accusés. En fait, ce qu'il voit, c'est pas tant deux hommes devant lui, il voit deux Italiens et deux anarchistes. Et même publiquement, il se positionne contre l'anarchisme. Le procès politique. Absolument. Donc, on instrumentalise le procès pour, en fait, condamner, punir l'anarchisme et derrière l'anarchisme, c'est également tous ces immigrants qui sont arrivés récemment aux États-Unis. Ils représentent, au fond, quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, mais ça va plus loin. Ils sont donc condamnés, Sacco et Vanzetti. Ils vont continuer, dans les années qui suivent, de plaider leur innocence. En 1926, Celestino Maderos va se confesser, va avouer être lui-même responsable du braquage de South Braintree. Le juge Thayer ne déroge pas. Il maintient son verdict de culpabilité contre Sacco et Vanzetti. Pourquoi un tel entêtement, Pierre Lheureux? Bon, alors ça fait 5 ans que les deux hommes sont en prison et tout d'un coup, en 1926, ce Portugais, cet immigrant portugais qui a été arrêté dans une affaire d'un autre braquage, qui sont très populaires aux États-Unis dans les années 20, est arrêté, accusé de meurtre et confesse avoir commis le meurtre de Braintree. Peu importe la confession de Maderos, le juge Thayers demeure ferme sur sa position. Également, le gouverneur Fuller, qui a le pouvoir de gracier les hommes, refuse d'offrir un appel aux deux hommes sur cette base, à la base de cette confession de Maderos. Quel impact ça va avoir? On va commencer par la société américaine parce que ça va déborder sur toute la planète. Mm-hmm. Mais comment réagissent les Américains à la condamnation de Sacco et Vanzetti? En 1921, c'est une petite affaire. Hein? C'est une affaire judiciaire simple, mais qui rapidement aura un retentissement national. L'avocat de la défense est un avocat qui a défendu des causes de plusieurs ouvriers, d'anarchistes dans le passé. Et lui décide, au lieu de s'en tenir aux faits, il décide de politiser le procès. Et puis, en politisant le procès, naturellement, il attire l'attention de groupes de gauche et de groupes de défense des droits et libertés aux États-Unis. Alors, rapidement, des intellectuels, quelques politiciens, des avocats vont, entre autres à Boston, vont se liguer pour assurer la défense des deux hommes. Mais en 1921, la cause demeure quand même une cause nationale. Elle n'a pas le retentissement international qu'elle aura en 1926. Alors, ça commence quand et quelle ampleur ça va prendre, ce retentissement international, parce que ça va vraiment être phénoménal, là. C'est remarquable. Alors, autour de 26, là, ça explose. En 1926-1927 surtout, à la suite des nombreux appels qui ont été refusés par le même juge Thayers, ce qui est tout à fait absurde. D'ailleurs, c'est une situation qui sera corrigée après une quinzaine d'années plus tard au Massachusetts. On va, en fait, permettre à la Cour suprême de Massachusetts de faire l'appel dans des causes criminelles comme celle-là. Après le rejet ultime en 1926, la cause est relayée par des groupes de gauche, des intellectuels européens. Et là, tout s'emballe. Naturellement, le monde des communications a été transformé depuis 1921. La radio est devenue un médium international. On la retrouve partout. La presse également a changé. On a des, ce qu'on appelle les tabloïds aux États-Unis comme en Europe, mm-hmm. qui vient relayer cette histoire qui est forte, qui attire un lectorat. Et comme on le disait en introduction, le récit est très fort. Ouais. On a le récit d'une Amérique dominante, conservatrice, xénophobe, qui vient injustement condamner deux hommes pauvres, ouvriers. Il y a une diaspora italienne aussi. Ces deux Italiens dont on parle, elle est partout, elle est nombreuse, cette diaspora-là. Et il y aura des voix connues, des personnalités de partout dans le monde qui vont venir à la défense de Sacco e Vanzetti. D'abord en France, il y a des hommes comme Romain Rolland, Anatole France, mais aussi H.G. Wells et d'autres auteurs américains qui vont se porter à la défense des deux hommes. Et Albert Einstein va prendre position, mm-hmm. et ainsi de suite. Diego Rivera. Rivera au Mexique, parce que c'est une cause qui a un écho très fort en Amérique latine. Alors, il y a une diaspora italienne importante en Argentine, entre autres, et au Mexique, surtout en Argentine, qui relaie l'information et au sein de laquelle se regroupent les supporters de Sacco e Vanzetti. Il faut voir aussi derrière ce procès-là, le procès de ces deux hommes-là, de ces deux hommes ouvriers, anarchistes, immigrants, également le procès de l'Amérique. Ouais. Donc, pour les Argentins, pour les Mexicains, pour les Brésiliens, ce qui est en cause ici, c'est l'Amérique impérialiste. C'est l'Amérique qui a imposé sa domination sur l'Amérique latine. C'est le capitalisme sauvage de l'Amérique. Mmh. Donc, il y a dans ce mouvement international, effectivement, une part d'anti-américanisme palpable. Ça, c'est certain. J'estime que le début, la naissance de l'anti-américanisme tel que qu'on le connaît aujourd'hui, débute avec l'affaire Sacco e Vanzetti. Ah bon? L'Amérique a un nouveau statut. L'Amérique n'avait pas ce statut-là 10 ans plus tôt, avant la Première Guerre mondiale. Ouais. Au sortir de la Première Guerre mondiale, l'Amérique, les États-Unis, devient la principale force mondiale sur le plan économique et sur le plan moral. Il reste que, malgré tout ce mouvement d'opposition planétaire, Sacco e Vanzetti vont être exécutés en août 1927. Malgré tous les efforts de la défense, malgré les nombreux appels, malgré une commission commandé par le gouverneur de l'État, une commission qui regroupe des experts de l'Université Harvard, du MIT. On se penche sur les faits, on essaie d'analyser de tous bords, de tous côtés, la défense. Et puis, au bout du processus, on vient confirmer le jugement du juge Tagers, mm-hmm. ce qui cause encore plus une opposition ou un appui aux deux hommes à travers le monde. Parce que là, après, à la suite de cet échec de la défense, de faire tourner, de faire renverser la décision, le juge Tayers se prononce sur la sentence et condamne les deux hommes à mort. Les traces, on va un peu boucler la boucle. On parlait au tout début de l'émission de la place que ça occupe, cette affaire, cette histoire de Sacco e Vanzetti dans notre imaginaire collectif. Les traces que laisse cette affaire-là dans notre imaginaire sont nombreuses, se retrouvent en fait au cinéma, en littérature, en chanson. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That Cette chanson de John Bass sur l'histoire de Sacco e Vanzetti paraît en 1971. De fait, Pierre Lheureux, il se passe quelque chose dans les années 70. La chanson de John Bass qui va être reprise par Moustaki. Il y a comme un retour, un renouveau, un regain d'intérêt pour l'affaire Sacco e Vanzetti dans ces années 70. Ça correspond à quoi? Pourquoi? Bien, encore une fois, le récit est fort et les années 60 et les années 70 sont marquées par une rébellion de la jeunesse, par une montée de la gauche, surtout aux États-Unis. Donc, on voit dans le procès Sacco e Vanzetti un récit qui reprend les mêmes thèmes et dans lequel on retrouve les mêmes forces politiques en train de se confronter. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette affaire-là? J'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, que c'est un petit peu retombé dans l'oubli, l'affaire Sacco e Vanzetti. Oui, bien, j'imagine qu'il y a d'autres causes, il y a d'autres événements qui sont survenus depuis. Et puis, on peut également dire que le contexte qui a mené à l'affaire Sacco Vanzetti, qui lui a donné son retentissement international, n'est plus le même aujourd'hui. Et puis, les causes sont ailleurs. Il y a le féminisme, il y a la cause de l'environnement. Donc, le contexte des années 20, dans lequel se jouait également qu'on voyait très bien, très clairement reflété dans le procès Sacco Vanzetti, n'est plus le même. Bien qu'il faut dire que l'affaire Sacco Vanzetti est revenue à l'avant-scène dans les années 60, 70, surtout aux États-Unis, beaucoup moins en Europe. L'Amérique, dans les années 60, 70, est confrontée à des conflits politiques et sociaux qui peuvent ressembler un peu à ce qu'on retrouvait dans les années 20, où tu as une Amérique libérale, progressiste, qui fait face à une Amérique rétrograde, plus conservatrice. Ce même débat, et autour d'enjeux sociaux et culturels, on appelait souvent les années 20 aux États-Unis la guerre des cultures. Ouais. Cette même guerre-là refait surface dans les années 60 et 70 avec le mouvement des droits civiques, le féminisme, et ainsi de suite. Donc, on retrouve un peu dans l'affaire Sacco Vanzetti certaines des tensions qu'on va retrouver dans les années 60. Pierre Lheureux, il faut s'arrêter là-dessus, professeur d'histoire au Collège Dawson. Merci infiniment d'avoir participé à l'émission. Grand plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Antoine Gauthier-Trépanier, recherche d'archives Mario Bolduc, site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Tania Gancheva. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Maintenant